rap, rap star, j'aide mon armée. Et leur armée grave, y'a de quoi s'alarmer. Comme s'ils savaient pas où je crèche. Tout le monde se pointe quand ils veulent qu'on passe à un signe. Pour rejoindre, pour nous joindre, t'as qu'à venir dans ma limousine. Les têtes d'affiche, c'est pas ce qui manque. T'as à l'ancienne, pousse 10 bars, t'auras un bain de sang. Et j'ai ce qu'il te faut dans le corps si c'est un plan. Mais faut que ça paye parce qu'on est plein. Y'a plus d'aman et pas de mannequin dans mon clan. Jamais en chien parce qu'on est grand. Si tu te plantes, fais la misère, comme quoi possible. Aucun remords, insensible, même si ton cul me sert de cible. Mal et calmort, 9 de hero. Ici les gars sont tous les crocs, mais y'a que les gros qu'on engraisse, négro. Le temps presse et passe trop vite. C'est la classe quand t'as la place du boss. Plus rien à faire si ça squatte, protège ton torse ou tu seras blessé. C'est la merde, demande à Dorse, faut me laisser. Mal et calme morte, ouais, c'est boulot ici. Mon gros passe en scène comme la CC, rase les patards à la racine. Rime sous son G, je prends le micro, on m'appelle danger. Mes troupes sont rangées, des étrangers, lunatique réseau. On vient du 108 zoo, zio micro. Dans la banlieue, c'est le Moyen-Âge. Y'a pas de maille sur le droit chemin, y'a un péage. Négro, c'est le bronze. Avec 10 ans trop tard au moins. Y'en a qui rêvent que de grandir avec ma Romain et moi. Je regarde le monde s'écrouler doucement. Où on en serait, devrait avoir plus de filles comme Florence Ray. Apocalyptique, y'a pas d'issue, trop de décès. Je vais pas me tuer, c'est la merde, tu vas pituer. Quelque part en moi, viens un guépard depuis petit peu. De l'amour, mon corps en produit peu. Peut-être parce que je suis neuf de prototype. Nous tester qui peut. Chaque soir on boit de l'eau de feu. Et quand le flic nous arrête au feu, qu'on descend la net feu. Une grosse envie de faire feu. Affamé, comme tous les gosses des rues mal famées. Où la nuit s'arrête. Ma plume se forme dans l'encousse plante dans ta. Neuf de la fête, on se fout taïf qui fait film à laïf. Mais faites laïf, mon groupe t'assassine comme la rue quand t'es naïf. C'est pour nos racines, pour ceux qui devant l'insigne font ce même signe. Un qui rêve assis, fume sur un joint assis ou partage un micro assis. Boulogne ici c'est pire que la Croatie. Nos flots sont trop acides, mais roi assis t'as tout quand je trouve ma cible. Tu vends ton shit, ta dope, fais tapiner tes putes au bois de boue. Laisse-moi faire mon SNES, bibouge. Tu me dis la France un pays libre. Attends mes détenus, attends-toi, bouffer du calibre. Toi, tu me dis la France et me que l'Afrique. Mais n'oublie pas, pédale, que tout leur fric c'est de nos morts. Toujours en guerre, son sans trêve. J'suis 9 de I cru 73. Rêve de loger dans la tête d'un flic, une balle de gel au CK. C'est pour les rocs qui nous ont enlevé eux. Et pour mon groupe j'assassine. Prends mon 9 de I, inhalation de rail de Cessna. Mon groupe assassine. Thank you.